Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Au voleur, une série documentaire de Jérôme Sandlars, réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a tous ces films qui racontent le casse parfait. Les stéthoscopes sur les coffres-forts, les pickpockets magiciens, des souvenirs de cambriolage, mais aussi des figures héroïques et justicières qui prennent aux riches pour redonner aux pauvres. Ou ces gens qui volent du pain, de la viande ou des fruits parce que la vie est dure et qu'ils n'ont pas toujours le choix. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui remonte le temps, Jean Valjean qui brise une vitrine, une mère louve et voleuse, un bon juge, une voleuse de tous les jours, une avocate qui déroule les histoires, un juge d'instruction qui se met à la place et un avocat qui ne lâche pas. Ensuite, le décor. Une archive radio, la pauvreté, le bagne, Château-Thierry, Amiens, un pain de 3 kilos, la libération, le supermarché, un tribunal, une justice de classe, des jouets, des comparutions immédiates et une justice parfois injuste. Aujourd'hui, quatrième épisode, il y a des caméras de surveillance. Caméra 35. Alors lui, il garde le produit dans les mains. C'est pas normal. Donc faut veiller à ce qu'il décoque pas plus loin, quoi. Caméra 22. C'est tout ce qui est rayon collant. Sous-vêtements. Y a rien qui t'interpelle? Le sac de la dame est ouvert. Et il a à portée de main, donc elle peut mettre tous les produits qu'elle veut. Donc tu vois, elle a toujours son produit à la main. Elle n'a pas posé dans son caddie, il faut se méfier. Tu vois, elle l'a toujours dans les mains. Super. Les pâtes, je les ai filées. Si vous aviez volé des pâtes, j'aurais pas appelé la police. Mais là... Bonjour, Francis. Bonjour. Allez dedans. Vous essayez de pas aller de maman. Allez, suivez-nous. Quand nécessité fait loi ou pas. Par Jérôme Sandlars et Anna Schmuck. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu la tête, quoi. C'est moi qui ai piqué tout ça. Ben, c'est pas moi. Puis rien que chez nous, il y en a déjà pour plus de 500 francs. Vous n'auriez jamais pu bouffer tout ça. Ou alors votre mari est un ogre. Tenez, ça c'est vous. Bien, il y en a qu'un qui dépose plainte, c'est Rocade. Vous en tirez pas mal. Avec une seule partie civile, ça devrait pas aller trop loin. Je vais aller en prison. C'est pas moi qui décide. Ce matin, les juges de la cour d'appel de Poitiers, le code pénal d'un côté, leur conscience de l'autre, ont tranché. Une mère de famille qui va voler de la viande dans un supermarché pour nourrir ses enfants est une voleuse. Point. France Inter, 11 avril 1997. Et si elle recommence, il faudra qu'elle paye une amende de 3000 francs. Ce qui veut dire que les juges de la cour d'appel n'ont pas confirmé le jugement en première instance, qui avait estimé que cette mère de famille avait volé en état de nécessité, que ça n'était pas condamnable. Annick, c'est le prénom de cette mère de famille, est donc condamnée aujourd'hui pour vol et elle ne comprend pas. J'ai malheureusement pas été entendue. Par deux fois, je suis allée crier au secours. J'ai pas de dette, mais j'ai pas d'argent. Parce que j'ai payé le loyer, l'électricité, le téléphone, l'assurance de la voiture, la vignette, tout, tout. Mais j'ai pas d'argent. Mon frigo est vide. Et les gamins, ils en ont marre des pâtes. Marre des pâtes. La purée mousseline. Les mots d'Annick sont ceux d'une mère qui parle avec son cœur. Voici maintenant les mots de son avocat, maître Philippe Brottier, qui voit ainsi enterrer le principe de l'état de nécessité. Le vol existe. La victime aurait été et pouvait de toute façon être indemnisée. La seule chose sur le plan moral, pouvait-on dire qu'elle avait vraiment la volonté de voler ou la volonté de nourrir. Et moi, il me semble qu'en l'occurrence, elle avait la volonté de nourrir. Alors, est-ce qu'un jour, on va se décider, en France, alors qu'on a des conditions relativement importantes de vie, à dire, attention, le minimum vital, ce n'est plus du pain, c'est-à-dire l'état de nécessité, c'est plus du pain, mais les enfants ont également le droit de manger de la viande. Ben, aujourd'hui, la réponse est non. Le vol de nécessité, c'est quelque chose qui remonte en réalité à la Bible. Dans le Nouveau Testament en particulier, dans l'évangile de Matthieu, si je me souviens bien, Jésus explique à ses disciples qui ont ramassé des épis de blé parce qu'ils avaient faim, qu'ils ont le droit, parce qu'ils ont faim. Arnaud Hout, historien de la propriété. Et ça, cette base religieuse, testamentaire, elle va être régulièrement réactivé dans les discours justement du droit canon, donc chez les religieux, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, on parle de temps en temps de cet état de nécessité qui pourrait justifier justement des atteintes à la propriété en cas, bien entendu, de situation d'extrême urgence, donc les famines en particulier. Alors, c'est quelque chose qui n'est jamais totalement formalisé, mais qui circule dans le droit et qui est finalement assez présent sous la plume des juristes jusqu'à l'Ancien Régime. En réalité, le 19e siècle va plutôt inverser cette logique. Avec le code pénal de 1810, ne va pas retenir cette excuse de nécessité, il va laisser ça un peu sur le côté, et tous les juristes qui vont interpréter le code pénal s'en réjouissent, parce qu'ils disent que c'est la porte ouverte à tous les abus. Parce que si on reconnaît que quelqu'un a le droit de voler dans une situation donnée, eh bien, tout le monde utilisera l'argument, et donc, la priorité, c'est de protéger la propriété. Alors, il faut bien comprendre qu'on est, au début du 19e siècle, dans un moment d'affirmation, justement, du libéralisme, de la propriété, du droit individuel à la propriété, et qu'il est très important pour les élites de cette société de protéger la propriété contre tous les usages traditionnels qui pouvaient justement dire qu'il y avait des tolérances, des nécessités, des excuses religieuses ou autres. Donc il y a une volonté doctrinale très très forte de ne pas laisser de prise au débat. Alors, ça c'est le cadre général. Ce cadre général, évidemment, il laisse place à des injustices terribles, puisqu'on se retrouve tout au long du 19e siècle avec des situations à la Jean Valjean. Jean Valjean, typiquement, c'est celui qui vole un pain pour nourrir les enfants de sa sœur, qui sont en train de mourir de faim, et qui est condamné aux travaux forcés, et qui, de fil en aiguille, va passer beaucoup de temps au bagne. Viens ici. Monte ton pied. T'avais limé ta chaîne, salaud. Tu voulais t'évader, tu feras 3 ans de mieux. En attendant au ponton, double chaîne et enchaîné au banc. Allez, emmenez-le ! Ce forçat se nommait Jean Valjean. Il avait été condamné à 5 ans de bagne pour avoir volé un pain. Jean Valjean essaya encore 2 fois de s'évader. Et lorsqu'arriva enfin le jour de sa libération, allez, il avait fait 19 ans. Alors, on a beaucoup dit, au moment où Les Misérables sortent en librairie, en 1862, que Victor Hugo exagérait et qu'une telle situation n'était pas possible. C'est en partie vrai, parce que le plus souvent, les magistrats vont faire preuve d'humanité, ils vont pas envoyer le voleur de nécessité aux travaux forcés, certes, mais ils vont quand même le condamner, c'est le cas le plus fréquent. Donc, on a cette situation très déséquilibrée et qui est de plus en plus contradictoire avec la logique démocratique, l'impératif d'humanité qui se développe à la fin du 19e siècle. Et c'est là qu'on a une affaire, justement, emblématique, qui est l'affaire Louise Ménard, ou l'affaire dite du bon juge Magnot. Alors, l'affaire est assez simple, c'est une affaire assez banale. On est à la sortie de l'hiver, on est au mois de février quand les faits se déroulent. Une jeune femme, fille-mère, qui vit avec sa mère et son enfant qui a 2 ou 3 ans. L'enfant souffre de la faim, et évidemment la femme et la grand-mère aussi. Et donc, elle va voler un pain assez imposant. Elle le vole à son cousin, qui est boulanger dans un village voisin et qui n'a pas vraiment voulu l'aider. On peut pas dire qu'elle ait beaucoup de soutien, cette pauvre Louise Ménard, qui va être dénoncée, arrêtée par les gendarmes. Alors l'anecdote est significative, les gendarmes le signalent. Quand ils arrivent quelques heures après, le pain, qui était un pain de 3 ou 4 kilos, est presque intégralement dévoré. Ce qui dit bien justement l'état de nécessité dans lequel était cette famille. Alors le dossier arrive devant le tribunal de Château-Thierry. C'est vraiment une affaire banale, on en a beaucoup de ce type-là. En règle générale, ça se solde par une peine de prison qu'on peut assortir du sursis. Le sursis est nouveau à l'époque, mais il est justement pensé pour ce type de situation, pour donner une condamnation de principe. C'est ce qu'aurait pu faire le juge Magnot. C'est ce qu'il a fait dans beaucoup d'autres circonstances. Mais là, on ne sait pas précisément pour quelle raison, il va s'apitoyer, mais il va aller bien au-delà de s'apitoyer. Non seulement il va relaxer Louise Ménard, mais il va produire des motivations du jugement qui vont justement expliquer que, je cite à peu près, hein, dans une société bien organisée, il est anormal qu'une femme puisse souffrir de la faim. Et que par conséquent, elle n'est pas coupable, c'est la société qui est coupable. Donc les motivations, les attendus du jugement sont fondamentaux ici. Et c'est ça évidemment qui fait réagir. Alors le bon juge, c'est comme ça qu'on le surnomme parce que Clémenceau, quelques jours après, va faire un article qu'il intitule « Un bon juge » pour désigner justement cette bonne décision du juge Magnot. Le bon juge fait parler de lui, il fait tellement parler de lui que ça oblige évidemment la hiérarchie à réagir. La cour d'appel d'Amiens, qui est la tutelle du juge Magnot, va interjeter appel, donc le jugement est cassé, il y a un deuxième jugement. Et dans ce deuxième jugement, bah, il y a une énorme bataille, hein, évidemment, médiatique, les journaux ont pris position. Il y a ceux qui défendent la propriété et qui disent que l'état de nécessité est inconcevable. Il y a ceux qui considèrent qu'au contraire, on est face à un progrès majeur. Donc le débat est très fort. Et la cour d'appel d'Amiens va s'en sortir avec un modèle de jugement qui ne veut pas se mouiller, puisque la relaxe est confirmée. Donc Louise Ménard est relaxée, mais en revanche, les attendus du jugement sont entièrement supprimés. Donc on a désormais un jugement sans motif, sans explication, c'est possible. Hein. C'est pas très orthodoxe, mais c'est possible. Donc Louise Ménard est en liberté, elle peut changer de vie complètement. Elle part à Paris d'ailleurs, elle s'installe à Paris. On n'entendra plus jamais parler d'elle. Et en revanche, l'état de nécessité n'est pas juridiquement consacré. Parce que les attendus du jugement de Magnot disparaissent, ils sont cassés par le nouveau jugement. Et les juristes, c'est assez intéressant, sont partagés. Parce qu'ils reconnaissent que l'état de nécessité a du sens, qui correspond à une réalité sociale. Mais ils expliquent que ça serait très compliqué à évaluer, que ça poserait des problèmes pratiques insurmontables. Et donc la conclusion dominante, c'est qu'effectivement, le sursis, les peines de principe, sont faits pour ces situations. Qu'il faut toujours condamner, mais ça ne veut pas dire qu'il faut punir. Donc il y a toute une nuance qui est faite sur l'idée qu'il y a des vols qui sont quasi légitimes, mais toute la nuance est dans le quasi. On ne veut pas reconnaître le vol de nécessité. Et j'avais retrouvé quelque chose qui est assez instructif, je trouve, à propos de Louise Ménard. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle quittait son village pour rejoindre Paris. Elle va trouver du travail à Paris. Mais si elle quitte son village, elle le dit dans une carte postale, qui est l'un des rares documents qu'on ait d'elle. C'est parce qu'elle a le sentiment d'être déconsidérée dans son village. Et on l'accuse alors de tout. On l'accuse d'être une voleuse, de ne pas avoir été punie. On la soupçonne d'avoir été la maîtresse du bon juge Magnot. On la soupçonne d'avoir reçu de l'argent des souscripteurs qui auraient voulu l'aider. Donc finalement, il y a une forme de jalousie qui s'exprime. Mais au-delà de la jalousie, ce qui s'exprime aussi, c'est un sentiment assez aigu de la propriété. Un sentiment qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et je pense qu'on se tromperait justement à opposer simplement une société bourgeoise qui protège la propriété et des classes populaires qui seraient en opposition, c'est pas vrai. Dans la société française du 19e siècle, et certainement au-delà, on a un très fort attachement des classes populaires à la propriété privée. C'est quelque chose qui est en partie une spécificité française, il faut bien le savoir. qui est lié notamment à la Révolution française, qui a consacré très précocement le droit de propriété pour tout le monde, qui, par le partage des biens nationaux, a permis à de nombreux petits paysans de devenir des micropropriétaires et qui a créé le sentiment en France que tout le monde, même les plus pauvres, pouvait accéder à cette forme de micro, de petite propriété. Et la République va se bâtir là-dessus. La Troisième République en particulier, elle se présente comme étant le régime de la petite propriété rurale par excellence. Et je crois que c'est important parce que ça explique pourquoi on a dans cette société française une sensibilité aiguë, ce que j'appellerais un consensus propriétaire qui est très fort, qui dépasse justement les vrais propriétaires et qui s'élargit à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rêvent, caressent le fantasme d'être à leur tour des propriétaires. Allez, monseigneur, regardez ce que cet homme avait dans son sac. Nous l'avons interpellé pour vérifier son passeport et pour le fouiller. Voilà ce qu'il avait. Et comme vous savez qu'hier, vous l'aviez reçu à dîner, ma foi, nous l'avons arrêté. Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Rien. Pourquoi n'avez-vous pas dit à ces messieurs que je vous les avais donnés ? Vous avez même oublié vos chandeliers. Je vous les avais donnés avec les couverts. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés ? Madame Magloire, allez donc chercher les chandeliers de monsieur. Mais allez ! Allez ! Vous les lui aviez donnés ? Mais bien sûr. Alors, comme ça, nous pouvons le laisser aller ? Oui, et rendez-lui son bien. Pour vous obéir, monseigneur. Merci. Attendez! Vous oubliez encore vos chandeliers. Allez, prenez-les! Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent. Mais celui-ci peut vous aider à devenir un autre homme. Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Et je reviens à l'exemple des Misérables, hein, parce que derrière cette histoire, il ne faut pas oublier que les Misérables, de 1862 jusqu'à 2019, ça reste une base de notre culture commune en France. Par la littérature, par le cinéma, par de multiples biais, c'est quelque chose qui va rester. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les Misérables, Jean Valjean est un coupable infiniment excusable. Hein, on est tous... ému devant le sort tragique qui lui est réservé, mais dans le roman de Victor Hugo, il faut qu'il soit coupable. Et Victor Hugo insiste là-dessus. Il faut qu'il soit coupable pour qu'il y ait une rédemption. Et en réalité, quand on reprend le petit passage où Hugo décrit la scène de vol, Victor Hugo fait exprès d'insister sur l'effraction. Il parle très peu du pain, du vol dérisoire. Ça apparaît bien sûr, mais ce qui l'intéresse, c'est la main ensanglantée de Jean Valjean qui fracasse la vitre, qui brise. Y a tout ce vocabulaire, cette sémantique justement de la violence qui a pour objectif de montrer que malgré tout, malgré toutes les circonstances atténuantes qu'on va lui accorder, Jean Valjean, enfin nous le lecteur en tout cas, à défaut de la justice, Jean Valjean, il est coupable. Pour Victor Hugo, je pense qu'il est coupable. Comment reconnaissez-vous la racaille, monsieur Javert ? C'est bien simple. Il y a d'une part les honnêtes gens, les gens établis, et d'autre part, ceux qui n'ont ni travail, ni famille, ni domicile fixe. Les premiers forment la société et respectent la loi, les autres ne respectent rien et attaquent tout. Mon devoir est de défendre les premiers contre les seconds. C'est pas bien difficile. Et on a le sentiment, effectivement, que, contrairement à l'image qu'on a quand on résume le roman, Jean Valjean, au début, c'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est finalement quelqu'un qui réagit par instinct. Voilà. Il a faim, sa famille a faim, il va voler. Mais il n'y a pas de conscience derrière. Et pour Victor Hugo, c'est très important que Jean Valjean soit effectivement coupable, parce que toute l'histoire du roman, c'est la rédemption de Jean Valjean. Donc il faut qu'il soit un petit peu, justement, celui qui doit s'amender par la suite. Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne dérobera pas. Julia Courvoisier, vous êtes avocate pénaliste depuis une dizaine d'années. Vous avez 36 ans. C'est ça. Il y a cette jurisprudence de 1898, celui qu'on a appelé le bon juge Magnot de Château-Thierry, qui avait obtenu la relaxe de Louise Ménard, donc avait volé du pain pour nourrir ses enfants et sa mère. Plus d'un siècle plus tard, puisqu'on est aujourd'hui en 2019, est-ce que c'est difficile pour une avocate pénaliste de plaider des affaires de vol de nécessité? Il y a un article dans le Code pénal qui prévoit pour tous les types de délits que lorsque l'on est dans une situation où on est obligé de commettre le délit, on peut obtenir une relaxe. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup disent que la justice est laxiste. En réalité, elle ne l'est pas. La justice a du mal à entendre l'humanité, les problèmes de société. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut une condamnation pour la victime. Il faut une condamnation pour que la victime, en cas de vol, soit indemnisée, parfois par son assurance. Il faut une condamnation au regard de l'opinion publique. Le vol a toujours été considéré comme quelque chose d'odieux. On vole la propriété d'autrui. D'ailleurs, le Code pénal a une très belle formulation pour le vol. C'est pas un simple vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est un très bel article de loi. Aujourd'hui, obtenir une relaxe lorsqu'une personne a volé et que les faits sont avérés, pour des raisons de nécessité, c'est très compliqué. Parce qu'on est dans une société où l'on se dit, en France, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup d'aide, saisissez la main qu'on vous tend. Et la justice a beaucoup de mal à entendre que parfois, saisir la main qu'on vous tend, c'est extrêmement compliqué. Lorsque l'on est un petit peu désocialisé, lorsque, je vous donne un exemple, on est une mère de famille et qu'on n'a pas d'argent pour nourrir ses enfants, c'est parfois honteux d'aller dans des associations, c'est parfois honteux d'aller demander des bons de nourriture. Parfois, c'est plus facile, c'est vrai, d'aller voler dans un magasin. Aujourd'hui, la justice a des difficultés à entendre cette histoire de nécessité. Mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a aussi beaucoup de vols qui sont punis avec des peines non privatives de liberté. Donc, même s'il y a condamnation, il y a quand même une certaine entente des motifs pour lesquels la personne est condamnée. Mon premier dossier, quand j'étais avocate et que j'ai commencé à faire du pénal, au barreau de Paris, on fait des permanences. Et je me rappelle d'un jeune, il avait une vingtaine d'années, et je me rappelle de lui parce qu'il avait des yeux bleus magnifiques. Et il était né en Roumanie, et il avait grimpé le mur d'un immeuble dans le 17e arrondissement de Paris pour rentrer dans un appartement et voler un ordinateur portable de marque Apple, qui coûte un petit peu cher. Et il avait été, bien entendu, arrêté en redescendant de l'immeuble parce que les policiers passaient dans la rue à ce moment-là. Et il était en récidive, puisqu'il avait déjà été condamné une fois pour un vol. Je me rappelle de lui parce que lorsqu'on est sur des dossiers en comparution immédiate, hein, qui est un mode de poursuite très rapide, nous, les avocats, on peut voir nos clients dans un petit box au palais de justice. Et je lui avais demandé notamment où il était né, parce qu'il était roumain, mais il parlait italien. Et il m'avait dit, je suis né en Roumanie, j'ai la ville, mais je ne sais pas parce que je suis né dans une roulotte, dans un champ. Et je lui ai dit, donc vous ne connaissez pas précisément votre lieu de naissance et votre ville de naissance. Et il m'avait dit non. Et je m'étais dit à ce moment-là, on n'a pas la même chance, lui et moi. On n'a pas eu les mêmes chances dans la vie. Voilà. Et ensuite, son parcours de vie avait été le parcours de vie de quelqu'un qui ne connaissait pas son nom de famille, qui avait voyagé dans toute l'Europe dans l'espoir de trouver quelque chose de meilleur. Mais enfin, quand on parle pas le français, quand on ne connaît pas ses origines, on n'a pas d'attache, il était arrivé en France et la facilité et la nécessité avaient fait qu'il volait, notamment des ordinateurs portables, pour pouvoir ensuite les revendre dans des quartiers bien connus de Paris. Et il n'avait pas le choix, entre guillemets. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre, ce jeune homme? Et ce jeune homme, ce soir-là, est parti pour 6 mois de prison à Fleury-Mérogis. Et ce soir-là, je suis rentrée chez moi en me disant, c'est injuste. C'est injuste. Et ce jeune homme, il avait déjà 2 enfants en bas âge. Il avait ramené de Roumanie une jeune fille avec qui il avait grandi. Il avait une famille à nourrir. Il parlait pas le français. Il avait pas de diplôme. Il avait pas fait d'études. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Alors on va entendre, oui, enfin quand même, arrive en France, il peut s'inscrire à tel endroit. Oui, mais c'est dur, c'est une montagne de faire tout ça. Parfois, la nécessité et la facilité font que oui, on vole. Je sais que d'habitude, ceux qui ont fait ces choses se taisent, ou que ceux qui en parlent ne les ont pas faites. Et pourtant, je les ai faites. Ses mains les ont faites. Ses mains souples, agiles, rapides. Vive ces mains qui se glissent, ces mains qui se posent, ces mains qui volent. Par nécessité, par goût du risque, par paresse. Parce qu'on ne peut pas imaginer des vols sur lesquels on fermerait les yeux. Parmi les autres affaires auxquelles je pense, il y a cette histoire d'un monsieur d'une soixantaine d'années, français, né en France, qui était un SDF de temps en temps, je dirais. Il avait eu une femme, il faisait des allers-retours en prison, dans les centres sociaux, dans les centres de la Croix-Rouge, et il avait été arrêté après avoir volé dans un Franprix dans Paris. Il avait volé une bouteille de whisky et une bouteille de vin blanc. Le préjudice était à 38 euros, moins de 40 euros, je me rappelle. Et ce monsieur-là était totalement désocialisé et il avait juste volé sa consommation d'alcool. Voilà. Et lorsque je lui avais dit, mais pourquoi vous n'avez pas volé à manger? Vous n'avez pas volé autre chose? Du coup, il m'avait dit, non, moi j'ai juste besoin de ça. Et je lui ai dit, monsieur, vous encourez de la prison. C'est pas la première fois que vous êtes arrêté pour des vols d'une petite ampleur comme ça. Et il m'avait dit, mais moi, maître, je préfère aller en prison parce qu'au moins je serai au chaud et je pourrai manger. Voilà. Ce monsieur-là, il avait juste besoin qu'on l'aide. Tout simplement. Et la justice l'a condamné à la prison avec sursis et au revoir les amis. Et il est rentré sous son pont le soir, je suppose, et puis jusqu'à la prochaine arrestation à la sortie d'un magasin où il aura une bouteille de rosée dans sa poche. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Mais c'est fini, il n'y a plus de boulot. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Et même mon père, qui avait été un employé modèle, 25 ans dans la même crèmerie, viré. Chômiste. Jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors, il avait écrit dans les administrations. Monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai fait la guerre avec les Allemands, ou contre les Allemands d'ailleurs, non avec, ils la faisaient aussi eux. J'ai fait comme on m'a demandé 2 enfants,6, j'en ai eu 3, j'ai pas trouvé la virgule, bon. Et maintenant, j'ai plus de travail, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. Et les mecs ils ont répondu, écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en pensez. Bonjour. Bonjour. Nicole, enchantée. Jérôme. Bienvenue. Bienvenue dans ce charmant 15 mètres carrés que je partage d'ailleurs avec mon copain qui est. Il ne faut pas trop faire de bruit, il est un peu malade. Et mon chat. Voilà. On s'installe là? Ouais, je vous en prie, allez-y. Alors je vais vous servir un peu de thé, du coup, qui a été volé en l'occurrence. Il y a beaucoup de choses que vous avez volées ici. Alors, on est juste ici, on a ma petite collection de thé. Vraiment, j'ai calculé la dernière fois à peu près. On est à une bonne centaine d'euros de thé. Là, il n'y a pas tout parce qu'on a terminé pas mal quand même. Dans la bibliothèque, il y a quelques livres. Voilà. Après, bon, c'est davantage dans la salle de bain. On a tous les produits d'hygiène avec lame de rasoir, gel douche. Parce que bon, c'est aussi ce qui coûte le plus cher. Voilà. Déjà, je vole pas forcément tous les jours. J'essaie de limiter à 2-3 fois par semaine pour éviter quand même d'avoir des soucis avec les magasins du coin. Quand je serai grande, je serai voleuse. J'ai déjà commencé. C'est assez marrant. Je dois avoir le don. Et la main heureuse, le doigt détréci et l'œil vigilant. Comment vous avez commencé à voler? La première fois que j'ai volé, c'était quand j'étais petite. J'avais 4 ans et mes parents habitaient au Sable d'Olonne. Et sur le retour de l'école, ma mère est partie au bar tabac. Et c'était à l'époque où vraiment il y avait toutes les friandises qui étaient vraiment à portée de main pour les enfants. Donc ça n'a pas loupé, j'ai volé un malabar. Et quand je suis rentrée chez moi, J'ai mangé mon malabar dans ma chambre et puis en même temps je me sentais très coupable. Je me disais mais c'est pas bien ce que j'ai fait. Et du coup mes parents sont venus me voir et j'ai tout de suite avoué le méfait en disant voilà j'ai volé un malabar. Résultat ma mère m'a ramené au bar tabac et m'a dénoncé devant l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Donc c'était assez humiliant et j'ai pas recommencé. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, j'avais pas de revenus étant étudiante. Et donc du coup, ça voulait dire que si j'avais besoin de quelque chose, je sais pas, parfois des affaires un petit peu intimes, ne serait-ce qu'un rasoir, et que je me voyais mal demander à ma mère, du coup j'allais le voler. Et puis en général, je prenais toujours un peu le rasoir le plus cher parce qu'il y avait une sorte d'insolence aussi là-dedans. Mais c'est également un vol politique dans la mesure où en fait, la plupart des choses que je vole sont des produits quand même de première nécessité et des produits qui ne devraient pas être payants, du moins ne pas coûter aussi cher. Donc, ne serait-ce que les rasoirs, je sais pas, voilà, les produits d'hygiène, les médicaments, les fruits et les légumes, donc pour rester dans l'alimentaire, puis voilà, les brosses à dents. En fait, je pense que l'alimentation, la nourriture en général, est quelque chose d'extrêmement politique, dans la mesure où, si on regarde les révolutions passées, il y a quand même un certain moment, c'était vraiment la question de l'alimentation qui posait problème. C'est parce que le peuple criait famine qu'il y avait une révolution. En fait, je considère qu'il y a 3 types de vols. Donc le vol politique, le vol de nécessité et le vol d'insolence, en fait. Je volerai des billes, de la pécadille, des oui et des non pour le grand frisson. Je volerai des trucs, des engins caducs, des machins bizarres et des œuvres d'art. Je prendrai sans remords leurs bagues aux morts et bien entendu leurs cordes aux pendus. En volant le beurre et l'argent du bœuf, je ferai mon profit du bien mal acquis. La petite voleuse n'a qu'une loi. Ce qui est à toi est à moi. C'est le vol qu'on commet avec un certain plaisir parce qu'on répond à une frustration que la société de consommation crée. Donc avec la publicité, par exemple, moi je vous ai montré mes tés tout à l'heure. C'est des tés qui valent à peu près 20 euros chaque boîte, sachant que les boîtes sont à moitié remplies. Et donc du coup, c'est comme le café. Enfin, c'est des choses en fait qui sont des produits entre guillemets haut de gamme. Je vole également de l'épicerie fine. Cet été, quasiment toutes les semaines, on allait voler des trucs à la truffe. Enfin bref, pour agrémenter les repas. Et c'est jouissif. Et puis, hein, c'est un peu craché à la gueule de certaines normes, quoi, de certains normes de consommation. Puis en plus d'avoir la rétrospective de dire, bah voilà, moi il y a 6 ans, je consommais pas comme ça parce que je pouvais pas faire autrement et que je devais juste me taire et m'en prendre plein la tronche. Mais là de se dire, bah voilà, je suis un peu en train de les mettre à l'envers au système, quoi, je me moque ouvertement d'eux. Mais après, en réalité, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je vole. C'est aussi parce que j'ai moi-même vécu pendant 6 ans avec mon père dans des conditions très précaires. Mon père allait à l'épicerie sociale, enfin bref, c'était vraiment la galère. Mon père était au chômage pendant 6 ans. C'est parce que j'ai été frustrée pendant aussi longtemps qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une certaine justesse et une certaine justice à reprendre, non pas ce qui me revient de droit, mais ce qui revient à tous et à toutes de droit. La petite voleuse n'a qu'une loi. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Alors c'est curieux parce que sur l'avant-bras, vous avez un petit tatouage, Nicole, sous lequel il y a inscrit « Némésis ». Némésis, c'est la déesse de la juste vengeance. C'est celle qui porte la colère divine. Elle est là pour rétablir une forme d'équilibre qui était présent, qui a été complètement saccagée, anéantie par les hommes, en tout cas dans la mythologie grecque. Et donc du coup, elle vient porter cette colère et cette vengeance qui est donc considérée comme juste. Et donc du coup, moi, le concept de vengeance juste, donc en termes de, enfin, on parle vraiment de justice, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et qui se rattache pas mal à cette question de vol, c'est que il y a cette volonté de rétablir un équilibre, en tout cas, de jouir de plaisirs sur lesquels on n'a pas capitalisé sur le plaisir des gens et donc ça passe notamment par certaines consommations, certains produits de luxe entre guillemets qui ne devraient pas l'être. Thank you. Est-ce que cette notion de vol de nécessité, Arnoult, on va la retrouver plus tard dans l'histoire ? Alors c'est une notion qui va circuler, hein, puisqu'elle réapparaît notamment dans toutes les situations de crise. Par exemple, à la toute fin de la Première Guerre mondiale, en 1918-19, quand vous avez justement les réfugiés qui avaient fui les régions dévastées par la guerre qui reviennent. Alors ces réfugiés, ils se réinstallent en Picardie, en Champagne, etc., dans des villages qui sont dévastés, dont il ne reste pas grand-chose. Et ils veulent malgré tout se réimplanter dans leur village. Et souvent, bah, ils vont se servir. Ils vont se servir de tout le matériau disponible, qu'il s'agisse des planches du voisin, des briques laissées là par l'armée. Donc voilà, on est dans une logique de l'urgence, de la nécessité qui fait loi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1919, on a des consignes qui sont données aux policiers, aux gendarmes, pour dire, écoutez, il ne faut pas brusquer les populations parce qu'elles ont des tas d'excuses, mais il faut quand même leur rappeler qu'on ne peut pas se servir. Que même ce qui leur semble être des ruines, ils n'ont pas le droit d'aller les prendre. On retrouve ça dans la Seconde Guerre mondiale. En files interminables, les réfugiés continuent d'affluer sur les routes qui conduisent vers l'intérieur de la France. L'irruption soudaine des hordes hitlériennes leur a laissé à peine le temps de réunir les objets les plus précieux et les plus utiles. Ils fuient devant l'ennemi qui ne respecte ni la vieillesse ni l'enfance. Épuisés par l'effort et traqués par les avions ennemis, beaucoup de ces malheureux s'affalent sur le bord de la route. Mai-juin 40, c'est évidemment une séquence où il y a des pillages gigantesques, et tout le monde le sait. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'exode, donc à l'automne 40, les magistrats vont instruire des dossiers. Alors il y a des situations aberrantes. Hein. Il y a un exemple justement tout près de Provins, en Seine-et-Marne, où le magistrat explique « il y a un village où j'ai 150 habitants, il y en a 120 qui ont volé et recelé des biens parce qu'ils étaient dans une situation de dénuement total, donc ils se sont servis. » Et il dit « je ne peux pas enfermer 120 personnes, je ne peux pas condamner tout le village. » Et on lui dit « d'accord, mais il faut quand même, d'une manière ou d'une autre, faire comprendre aux habitants qu'ils ne peuvent pas recommencer, qu'ils avaient tort. » Et puis ce débat-là, il va rebondir dans une perspective plus socio-économique, avec notamment la crise de la fin du XXe siècle. Cette crise économique qui fait réapparaître des phénomènes de pauvreté, dès les années 80 avec les Restos du Cœur, rappelle que aujourd'hui on peut encore souffrir de la faim dans la société française. Et à ce moment-là, la question va à nouveau se poser. Et il y a notamment, de ce point de vue, dans les années 90, une réactivation du discours sur l'état de nécessité. Vous n'aviez jamais volé, Madame Barnier ? Non, jamais, Madame la Présidente. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Justement, qu'est-ce qui vous a pris ? J'étais entrée acheter des bananes. C'était les fêtes. Il y avait des pancartes, des affiches. Partout, ils faisaient des promotions à des prix incroyables sur la viande, sur le poisson. C'est vrai, aujourd'hui, je me dis, pourquoi j'ai pas payé ? Pourquoi j'ai volé ? Je sais pas, juste avant, j'y pensais pas. D'habitude, je regarde pas, je connais mes rayons. Mais là, j'ai craqué. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je voulais que mes filles soient contentes. Je voulais que ce soit la fête au moins une fois à table, quoi. Le vigile d'attaque m'a dit des pâtes, on aurait laissé filer, mais de la viande. Non, c'est grave. Des pâtes, mais moi, je pourrais pas voler des pâtes. Les pâtes, je les ai toujours payées, je paye même que ça. Vous savez, Madame la Présidente, j'ai pas volé du parfum. J'ai volé de la viande et du poisson. Où est-ce qu'on se trouve, là, Monsieur Lévy ? Ici, nous sommes au rez-de-chaussée du tribunal, qui est composé de 6 bastions, 6 ailes. Et dans chacun de ces bastions se trouve organisé l'ensemble des services civils et pénaux du tribunal de grande instance. Où est-ce que sont jugés les vols, Albert Lévy ? Dans l'une de ces salles d'audience que vous voyez ici en dessous de nous, puisque là nous sommes au rez-de-chaussée et que ces salles se trouvent au rez-de-jardin. Antenne 2, 8 janvier 2002, à Lyon. Une mère qui avait volé des jouets et de la nourriture pour ses enfants comparaît de nouveau devant la justice aujourd'hui. Il y a 9 mois, la jeune femme avait été reconnue coupable par le tribunal, mais dispensée de peine. Le parquet avait en effet évoqué l'état de nécessité pour expliquer le geste de cette mère qui avait voulu offrir un véritable Noël à ses 7 enfants. Mais aujourd'hui, le procureur souhaite revoir l'affaire car il refuse que s'instaure une jurisprudence et que certaines personnes en difficulté pensent qu'elles peuvent désormais voler en toute impunité. Vous avez fait toute votre carrière au tribunal de Lyon ? J'ai fait une grande partie de ma carrière au tribunal de Lyon puisque j'ai commencé en qualité de substitut du procureur en 1999. Et ensuite, je suis à l'instruction depuis 2012. On va rentrer dans mon cabinet. J'aimerais ensemble, Albert Lévy, qu'on revienne sur une affaire qui, je crois, vous a particulièrement marqué au cours de votre carrière. C'était en 2001, l'affaire d'Agnès. Oui, je me souviens bien de cette affaire. Cette jeune femme, mère de famille nombreuse, vivant dans la précarité, je crois me souvenir qu'elle habitait en caravane. Elle était venue à l'audience avec ses 2 enfants, 2 de ses enfants, chargés de sacs, de paquets, d'une poussette. Et j'avoue que lorsque je l'ai vue apparaître dans cette salle d'audience, j'ai été interpellé. Surtout lorsque les faits qui lui étaient reprochés s'inscrivaient dans un vol qui avait été commis à 2 ou 3 jours de Noël. Elle avait rempli son caddie de victuailles, de champagne et surtout de jouets pour ses 7 enfants. Et d'ailleurs, lorsqu'elle était interrogée par la présidente du tribunal, elle expliquait qu'elle ne pouvait plus supporter que ses enfants ne puissent pas avoir un Noël comme d'autres enfants. Et elle s'était promise de leur donner un Noël, de leur donner un peu de joie, un peu de plaisir. Voilà, simplement, les choses telles qu'elle les avait décrites à l'audience. Et vous savez, lorsque vous voyez les gens comme ça apparaître, c'est plus du dossier, c'est plus une feuille de papier, ce sont des êtres humains faits de chair et de sang. Et je n'ai pas pu faire autrement que de requérir l'état de nécessité par application de l'article 122.7 du Code pénal. Parce que elle entrait vraiment dans les critères de l'infraction commise pour sauvegarder les intérêts de sa famille. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'elle a jugé bon de venir seule. Elle n'a pas fait appel à un avocat en première instance. Oui, elle dit au tribunal, mais que voulez-vous que je vous dise ? J'ai pas besoin d'avocat, j'ai rendu la marchandise. Alors c'est vrai que j'ai commis un vol, elle reconnaissait. Elle. Et d'ailleurs, ça rejoint complètement ce cas de figure, la jurisprudence Magnot de 1898, où le juge Magnot, lui aussi, s'était enquis de ce qu'elle reconnaissait les faits et que sa prévenue de l'époque les regrettait. Ben là, c'était le même cas. On était vraiment dans le cœur du concept de l'état de nécessité, tel que prévu par la loi. La fameuse affaire Louise Ménard. La fameuse affaire Louise Ménard, jugée par M. Magnot, le bon juge Magnot, qui a été le concepteur, le fondateur de l'état de nécessité. C'était un humaniste, c'était quelqu'un près du peuple. Il était lui-même marié avec une féministe. Alors c'était une première, c'était une décision particulièrement téméraire et subversive à l'époque. C'était s'attaquer non seulement au droit de propriété, mais également à la collectivité tout entière, dans l'oubli, le mépris, la condition dans lesquelles sont laissés les démunis, les précaires. Et c'est pour ça que c'était un concept particulièrement subversif, parce qu'il met en cause la société. Il met en cause sa faculté de venir en assistance à ceux qu'elle doit normalement, naturellement protéger. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, l'état de nécessité est quelque chose de prégnant, de contemporain, lorsque l'on voit ce qu'il nous est donné de voir aujourd'hui, notamment avec les manifestations de Gilets jaunes, oui, qui mettent en scène des gens qui souffrent, qui ont du mal à s'exprimer la plupart du temps, qui n'arrivent pas à décrire ce qu'ils ressentent lorsqu'ils vivent, par exemple, avec 500 ou 600 euros par mois pour faire vivre leur famille, ou qu'ils travaillent la journée, qu'ils dorment dans leur voiture le soir. Voilà, c'est ça l'état de nécessité. Et je crois que c'est une notion très contemporaine, mais qui n'est pas suffisamment utilisée par la justice française, alors qu'elle est prévue par les textes. À partir du moment où on dit que les précaires doivent s'en sortir par eux-mêmes, on ne peut pas admettre le concept d'état de nécessité dans notre société. Mais je crois que la justice indépendante en France doit pouvoir la consacrer encore plus encore aujourd'hui. Hervé Bambanast, avocat d'Agnès, en deuxième instance. Jusqu'au tribunal correctionnel, l'affaire ne fait aucun bruit parce que c'est quelque chose d'affreusement banal et ça n'intéresse personne. Et puis, elle va prendre une dimension totalement imprévue grâce à deux facteurs, à savoir la position du procureur d'audience qui requiert l'état de nécessité, et puis par le fait que le parquet général de Lyon n'accepte pas cette position. Et là, il y a une division au sein du parquet. Je serais tenté de dire qu'il y a une mésentente. Et le parquet général va faire appel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une forme de déchaînement médiatique. C'est une bonne décision compte tenu de la détresse de cette femme, 69%. Et 60% pensent que le parquet est dans son rôle en faisant appel. Voilà. Sondage effectué avant hier, 3 mars. La partie civile s'impose, non ? Vous vous êtes porté partie civile en première instance, le parquet vous en appelle, on est obligé de suivre. Obligé, ça vous pouvez le dire. En tout cas, il faut marquer le coup, parce que là, c'est plus du vol, c'est du pillage. Non mais, c'est même pas ça le problème. S'il faut saisir un avocat pour chaque vol à l'étalage, on va plus s'en sortir. Quoi qu'il en soit, on ne risque pas grand-chose à être impopulaire dans cette affaire. 49% contre 48% qui pensent que le vol ne peut pas être accepté dans la société. C'est vrai que c'est pas un formidable élan de soutien populaire. Oui, mais il faudrait pas donner l'impression qu'on s'acharne sur cette cliente, hein, parce qu'après tout, c'est une cliente. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir un procès totalement asymétrique. Vous allez avoir cette jeune Agnès, mère de famille nombreuse, une jeune femme fluette, dans mes souvenirs, quelqu'un de modeste, qui n'est pas une délinquante, qui a un casier judiciaire vierge, qui n'a rien à se reprocher et qui veut offrir un Noël à ses enfants. Flanquée d'un tout jeune avocat, un débutant, inexpérimenté, et qui se retrouve devant la cour d'appel de Lyon, cour d'appel extrêmement prestigieuse, avec les ordres, ce sont les ordres de la République. La salle correctionnelle de la cour d'appel de Lyon est une salle splendide, très impressionnante pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de comparaître, avec trois magistrats très expérimentés, robe rouge, hermine, décoration, boiserie, dorure, tout est fait pour impressionner. La pompe judiciaire joue à plein. Et donc, c'est un combat judiciaire asymétrique. Mais justement, il faut se méfier des combats asymétriques. Ce sont les plus dangereux à mener. Pourquoi ? Parce que ça peut se renverser. Et c'est ce qui s'est passé. Je plaide. Je plaide cet état de nécessité. J'explique la situation de cette jeune mère de famille, mais qui est dans une détresse considérable. Je demande à titre subsidiaire, si on ne retient pas l'état de nécessité, eh bien, que le premier jugement, qui est un jugement tout à fait raisonnable, soit confirmé. Et on se retrouve avec une position étonnante, que l'on voit très rarement devant les juridictions, un procureur critiquant publiquement un autre procureur et disant, voilà, le premier procureur a blessé la loi. C'est une chose extraordinaire. Bien évidemment, nous avons essayé de l'exploiter à l'époque, parce que la première analyse de Monsieur Lévy était une analyse qui juridiquement pouvait parfaitement se tenir. Mais c'est un peu révolutionnaire. C'est un changement, c'est une nouveauté. Et ça, on n'aime pas bien. Voilà pourquoi cette affaire aussi a pris beaucoup d'importance. Grand succès de la défense, puisque la cour d'appel condamne Agnès à une peine de prison avec sursis, 6 mois, si mes souvenirs sont bons. C'est une peine très importante. Mais en fait, le parquet a commis une erreur. à mon avis, c'est que dans l'opinion publique, le sentiment est tout à fait différent. Madame Barnier, s'il vous plaît. Madame Barnier, un petit mot, s'il vous plaît. Madame Barnier, Madame Barnier, s'il vous plaît. Surtout, ils ont reproché à ma cliente de ne pas avoir émis de chèque sans provision, d'avoir refusé le surendettement qui avilit et qui rend encore plus dépendant les familles nécessiteuses. À part ce geste, elle a refusé cette honte. Ils ne l'ont pas supporté. Merci, messieurs. Quelle impression ça vous fait d'être médiatique ? Au niveau de la politique sociale du gouvernement. Eh bien, vous allez être reçu par le Premier ministre. C'est terminé. Au-delà d'être médiatique, c'est une affaire qui devient dès lors éminemment politique, Maître Bambanas, non ? Complètement, parce que c'est une affaire qui fait écho au fonctionnement de la société actuelle et au fonctionnement de nos institutions judiciaires. Il faut pas se leurrer. Moi, j'ai un regard maintenant qui est un regard d'expérience, contrairement au tout jeune avocat que j'étais à l'époque. Mais bien évidemment que la justice de classe, c'est quelque chose qui existe. Il faut l'admettre. Il vaut mieux être ministre poursuivi en justice que Agnès, parce que le traitement n'est pas le même. Quand une jeune femme mère de famille de 25 ans au RMI arrive dans le prétoire, elle n'impressionne personne. Elle ne met en jeu aucune carrière. Par contre, quand vous avez un ministre qui est jugé, il est jugé différemment. Et d'ailleurs, on le constate. Aujourd'hui, vous avez des affaires d'une gravité extrême qui se soldent par des poursuites politiques qui sont longues et parfois bien molles. Je pense qu'on peut s'arrêter là. La décision sera rendue tout à l'heure après la suspension d'audience. Affaire suivante. Et d'ailleurs, on le voit en comparution immédiate, chaque jour. Les comparutions immédiates sont peuplées par un public en grande difficulté, par des gens qui ont des casiers judiciaires, par des gens qui vivent dans une certaine précarité sociale, à défaut de précarité affective ou économique. Et vous avez de justice, vous avez la justice des cols blancs, c'est une justice plus feutrée, moins immédiate, moins expéditive, et puis vous avez la justice du Pékin moyen, implacable et rapide. Vous savez, la justice pénale, c'est un rouleau compresseur. C'est quelque chose qui broie les gens et qui peut parfois se montrer cruel. Faut être un peu plus souple, c'est tout. Souple? Ça veut dire quoi? Des milliers de gens chaque jour émettent des chèques sans provision, ne payent pas leur loyer, et la justice ne les convoque pas pour autant devant un tribunal dans les jours qui suivent. C'est toléré. Enfin, disons que c'est tenable. J'aurais payé toute la nourriture que j'ai volée aux trois supermarchés avec un chèque en bois, et je ne me serais pas retrouvée dans le box du tribunal. Non, certainement pas. La main, Madame Barnier. Vous n'auriez jamais dû voler avec la main. Mais je comprends pas. Un chèque en bois, c'est hypocrite. Pour moi, c'est pire. Mais comment croire qu'on vole pas en faisant ça, à moins d'être, je sais pas, complètement idiot? Jamais, maître, jamais je pourrais faire ce que vous me dites. Je sais. Vous vous tuez pour être en ordre et votre cahier est à jour. C'est tout à votre honneur, Madame Barnier. Mais une femme comme vous ne devrait pas être contrainte de voler de quoi manger. Ben, comprenez-moi, il ne s'agit pas d'être hors la loi, mais simplement d'éviter de la prendre trop de front. La loi est plus forte que vous. Prenez-la un peu de côté, c'est tout. Merci à Arnaud Hout, Julia Courvoisier, Nicole, Albert Lévy et Hervé Bambanast. Avec des extraits de La loi du marché de Stéphane Brisé, La voleuse de Saint-Lubin de Claire Devers, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, Les Dix Commandements de Cécile B. 2000 et enfin Pickpocket de Robert Bresson. Prise de son Sandrine Malon et Yann Frécy. Mixage Alain Joubert. Recherche INA Marie Chauveau.